La vérité, tu connais? Cercle fermé. Cercle fermé. C'est la vérité, ouais. Très peu d'apparitions. Toujours concluantes. Tu croyais pas, maintenant on y est. La vérité, mais pas celle de la télé, cousin. Elle est souvent refoulée, c'est dans le sang qu'on l'a coulé. Pour les gouvernements c'est un boulet, un coup de pot de vin, on veut la rouler. Doulé, procès où elle aime se défouler. Quand elle éclate, elle fait le mensonge s'écrouler. Sous les tortures, on rêve de l'étouffer. Dans les programmes scolaires, elle est bâillonnée par certains rappeurs mis de côté. Les politiciens font tout pour nous la faire oublier. Descendue aussi bas que le X à la télé. Y'a qu'après minuit qu'en apparence elle se fixe. La justice fait semblant de ne pas la voir. Faut croire qu'avant de faire son boulot, elle sait les intérêts politiques de ses bourreaux. Sony souvent demande à ses artistes de faire sans. Sans leurs yeux, sans leur cœur, ça fait des ondes polluées à l'argent. L'argent, son ennemi juré. Tout ça pour dire que si la vérité avait un corps, ce serait celui d'une femme malade à en mourir. Avec des yeux brûlés par l'or et des mains broyées par le sort. Cercle fermé, elle s'appelle Vérité. Y'a que dans mes chansons qu'elle apparaît, qu'elle peut parler. Parce que dans la vie, c'est le mensonge qui nous nourrit. Elle s'appelle Vérité. Y'a que dans mes chansons qu'elle apparaît, qu'elle peut parler. Parce que dans la vie, c'est le mensonge qui nous nourrit. Elle frôle mes pensées, m'apprend à être explicite, m'incite à me dépenser. En écriture, elle vole au-dessus des toitures, à côté d'elle, la colombe, souvent harcelée par le corbeau. Dans les ondes, elle appartient à tout le monde. La vérité, cachée, fichée par les maisons de prod. Elle rôde et a très peu d'hôtes, dotée d'une énorme réalité blessante. Très peu d'hommes la trouvent accueillante. Elle m'a souvent aidé, m'a appris à observer les mentalités des politiciens, leurs mauvaises idées. C'est décidé, je la tiens par la main, ne la lâche pas. Avec elle, je me sens en sécurité, elle me trahira pas. Passionné de la littérature, je la retrouve toujours dans des livres poussiéreux, des archives, la dictature. Elle ne l'apprécie, à deux ils ne peuvent vivre. Dans les tribunaux elle ne rentre pas par la grande porte. On utilise souvent son clone le mensonge. Elle me fait du bien, elle me calme. Et même si je vis mal, je reste serein. Faut se battre pour la garder en soi. Je le fais chaque soir, crois-moi. J'arrive pas tout le temps, j'ai des failles pour l'instant. L'autocritique, y'a que ça comme repère. Certains l'incinèrent, moi je me sers dès la fin de ne pas me mentir. Elle m'encourage à écrire, elle apparaît dans tous mes textes. Elle apparaît dans tous mes textes. Même si pour certains ça vexe, pour certains ça vexe. La vérité est dans cercle fermé. Et il restera jamais. Cercle fermé. Cercle fermé. Elle s'appelle Vérité. Y'a que dans mes chansons qu'elle apparaît, qu'elle peut parler. Parce que dans la vie, c'est le mensonge qui nous nourrit. Elle s'appelle Vérité. Y'a que dans mes chansons qu'elle apparaît, qu'elle peut parler. Parce que dans la vie, c'est le mensonge qui nous nourrit. Au fond de nous, elle vit recluse, souvent si profond que ses yeux sucent. Dans la perpétuelle nuit de nos consciences muselées, jamais elle ne dort à notre âme, elle est fuselée. Si elle sort, c'est nos vies qu'elle peut changer. Non, non, c'est faux, le mensonge aime tant la traquer. Même dehors, il se plaît à la hanter. Pour preuve, l'hiver, quand en bas de chez moi, le froid revêt ses habits mortuaires et qu'il caresse le corps du sans-abri, bientôt sans vie. Mon cœur d'humaniste palpite, mais mon mental d'avare me limite. Je me suis inventé des mensonges pour ne pas avec lui partager ma chambre d'amis, mon repas et mes songes. Je me suis dit qu'en France, celui qui vit dans la misère, c'est qu'il a bien cherché. Et merde, chacun ses galères. Je me suis menti pour offrir à mon esprit le repos et sa bonne conscience. C'est à ce prix que presque tout un peuple sommeille dans les bras de l'injustice et qu'il fait semblant de ne pas voir que sur lui elle puisse. Je me mens constamment pour continuer à manger devant les images de famine diffamante. Je me mens constamment pour ne pas m'inquiéter de la politique et de ses politiciens énervants. Je me mens constamment pour me faire croire que mes problèmes tout seuls se régleront. Chaque souci a son mensonge et sa fausse solution. Fausse solution, tu connais. La panthère noire a terrorisé le pouvoir. Cercle fermé. La panthère noire. La panthère noire a terrorisé le pouvoir. La panthère noire. La panthère noire. La panthère noire a terrorisé le pouvoir. Ils ont craché leur sang pour celui de leurs enfants. La panthère noire a terrorisé le pouvoir. Ils ont craché leur sang pour celui de leurs enfants. La panthère noire a terrorisé le pouvoir. Ils ont craché leur sang pour celui de leurs enfants. Pour qu'ils aient des droits. Pour qu'ils aient des droits. C'est des droits.